Appel, un non clair à la vaccination obligatoire en Autriche. L'Autriche a été le premier pays d'Europe à introduire une obligation générale de vaccination contre le Covid-19. Toute la population est concernée dès l'âge de 14 ans. L'obligation devrait entrer en vigueur début février 2022. Parallèlement, un confinement a été décrété pour les personnes non vaccinées. Cela signifie que les personnes non vaccinées sont exclues de la vie publique. L'obligation de vaccination, qui fait déjà l'objet d'un projet de loi, pousse presque quotidiennement de nombreuses personnes à descendre dans la rue. Dans toutes les grandes villes, des rassemblements et des manifestations ont lieu, au cours desquels la population manifeste bruyamment son mécontentement face au projet de vaccination obligatoire. En effet, jusqu'à récemment, le gouvernement avait promis qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Il n'y a pas d'obligation vaccinale et nous n'en introduirons pas. Je pense qu'en Autriche, nous avons un consensus sur le fait qu'il n'y aura pas d'obligation générale de vaccination. C'est également très difficile à réaliser dans une démocratie, dans un pays comme le nôtre. Vous avez parlé de l'obligation vaccinale, donc une réponse courte à une question courte. Vous continuez à exclure une vaccination obligatoire ? J'exclus effectivement une obligation de vaccination, une obligation générale de vaccination. Je suis en tout cas convaincu que cela n'a pas beaucoup de sens de travailler avec le bâton de la contrainte d'une obligation générale de vaccination pour une décision personnelle, aussi essentielle qui concerne son propre corps. Il s'agit là d'une décision individuelle. Je suis contre la vaccination obligatoire car elle est contre-productive. Que fait-on des personnes qui ne se font pas vacciner ? Les punir ? Cela n'a pas de sens. Un débat ouvert sur l'obligation vaccinale impliquant des experts indépendants des deux côtés, c'est-à-dire les partisans de la vaccination et les sceptiques, a été catégoriquement refusé jusqu'à présent par les politiques et les médias de masse. Mais le temps devrait être révolu, où la politique prend une décision aussi radicale que l'obligation vaccinale pour tous, à cause d'une considération unilatérale de la pandémie de Covid-19. ACLA TV, nous avons rassemblé 8 faits solides qui parlent en faveur d'un arrêt immédiat de la vaccination obligatoire prévue. Fait 1. La vaccination obligatoire COVID-19 touche tous les Autrichiens, même ceux qui sont déjà vaccinés. L'obligation vaccinale doit s'appliquer à 7,7 millions de personnes résidant en Autriche. Parmi elles, 1 400 000 ne sont actuellement pas vaccinées. L'obligation vaccinale comprend pour l'instant une première et une deuxième vaccination, suivie d'une troisième injection. Toutefois, le texte de loi stipule que le ministre de la Santé peut rendre en permanence, par décret, d'autres vaccinations obligatoires. Le projet de vaccination obligatoire laisse donc place à l'arbitraire le plus total, non seulement en ce qui concerne les intervalles de vaccination, mais aussi le type de vaccin utilisé. Le gouvernement autrichien a décidé, en mai 2021, d'acheter 42 millions de doses de vaccins, en plus des 30,5 millions déjà commandés, car on estime que d'autres rappels seront nécessaires. Il faut donc s'attendre à ce que tout le monde reçoive au moins 7 vaccins Covid-19. Daher ist für alle mit mindestens 7 Covid-19-Impfungen zu rechnen. Fait 2. Vaccination obligatoire malgré une autorisation conditionnelle des vaccins. L'obligation vaccinale est liée à des vaccins pour lesquels, d'une part, les données relatives à l'efficacité, aux effets secondaires et aux effets à long terme sont loin d'être uniformes et claires. D'autre part, en raison d'une procédure accélérée, ils ne sont autorisés que sous conditions. Il est important de savoir que les vaccins à ARN messager sont une nouvelle technologie qui est utilisée pour la première fois dans la production de vaccins de masse. L'Agence européenne des médicaments, l'EMA, est responsable du contrôle et de l'évaluation des vaccins. La Commission européenne, puis tous les gouvernements des États membres de l'UE, se basent sur ces recommandations. Dans le cas des vaccins Covid-19, l'EMA a procédé à une évaluation rapide et a émis une recommandation en l'espace de quelques semaines seulement. Tout cela dans un contexte où des virologues et des immunologues de renommée internationale mettent en garde avec véhémence contre l'utilisation de ces vaccins. Ainsi, les vaccins COVID-19 ont été autorisés sous condition par les États de l'UE sans étude préalable à long terme. Fait 3. Des experts renommés sonnent l'alarme. Voici quatre sérieuses mises en garde d'experts représentatives des nombreux cris d'alarme de la communauté scientifique. Gerd van den Bosch, cet expert belge en virologie, a travaillé dans le domaine de la recherche sur les infections et le développement de vaccins pour les entreprises pharmaceutiques Novartis et GlaxoSmithKline, ainsi que pour l'organisation Gavi et la fondation Bill et Melinda Gates. Il a lui-même développé des vaccins. Van den Bosch est tellement préoccupé par les mesures de vaccination actuelles qu'il a lancé un appel urgent à l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle mette immédiatement un terme à toutes les campagnes de vaccination contre le Covid dans le monde. Monsieur Van den Bosch, cet immunologue et expert en vaccination, avait déjà mis en garde au printemps de cette année. La vaccination ferait muter le virus en un monstre incontrôlable. Des mutants résistants à la vaccination apparaîtraient, ce qui prolongerait encore la pandémie. Maintenant, quelques mois plus tard, nous savons que Van den Bosch avait raison. Docteur Sukari Bagdi. Le virologue allemand et spécialiste renommé en épidémiologie infectieuse se montre également très inquiet. En Europe, en Autriche, en Allemagne, nous avons affaire à un nouveau type de vaccin. Ces vaccins sont basés sur les gènes. Ce n'est pas un vaccin conventionnel et normal. Leur action comporte un potentiel de risque élevé. Professeur Dr. Martin Adic. Pour ce spécialiste autrichien en virologie et en épidémiologie infectieuse, une chose est claire. Le nouveau vaccin ARN messager ne protège qu'insuffisamment, mais a de nombreux effets secondaires. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se contenter d'affirmer que le vaccin est sûr et protège. Dr. Michael Yeadon, le scientifique et ex-vice-président du fabricant pharmaceutique américain Pfizer, le Dr. Michael Yeadon, déconseille vivement le vaccin COVID-19 basé sur les gènes, bien que cet expert, qui a plus de 40 ans d'expérience, ne rejette pas fondamentalement les vaccins, il se prononce résolument contre le vaccin COVID-19. Yeadon est convaincu qu'il s'agit d'un vaccin expérimental qui enfreint le code de Nuremberg sur l'expérimentation humaine. Fait 4. Vaccination obligatoire malgré des effets secondaires effrayants. Le grand nombre d'effets secondaires rapportés pour les vaccins COVID-19 est effrayant. L'Agence européenne des médicaments, l'EMA, répertorie actuellement 904 534 personnes, présentant un total de 3 478 979 effets secondaires suspects liés aux vaccinations COVID. Le fait que les médias et la politique qualifient les vaccins COVID-19 de sûrs est scientifiquement inadmissible. Notre émission très regardée, intitulée « Appel urgent SOS, vaccination obligatoire malgré des dizaines de milliers de morts après l'injection COVID », révèle entre autres comment Pfizer a dissimulé des effets secondaires lors de l'autorisation du vaccin COVID. De plus en plus de personnes réalisent aujourd'hui que les vaccins COVID-19 ne sont pas aussi efficaces que promis et que les personnes vaccinées peuvent être infectées et transmettre le virus de la même manière que les personnes non vaccinées et infectées. On ne peut plus nier que de plus en plus de personnes vaccinées se trouvent dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs. Le directeur des établissements hospitaliers du Burgenland, Hubert Eisel, s'est également exprimé à ce sujet dans une interview le 18 novembre 2021. Combien de patients atteints du Covid sont vaccinés et combien ne le sont pas? Dans les services normaux, nous avons environ 60% de vaccinés et 40% de non vaccinés. Aux soins intensifs ce matin, c'est moitié-moitié. Donc la moitié des personnes n'est pas vaccinée et l'autre moitié est vaccinée. Le manque de clarté concernant l'efficacité et la durée d'action des vaccins est en outre confirmé par les études scientifiques. Le manque de clarté concernant l'efficacité et la durée d'action des vaccins est en outre confirmé par des études scientifiques. Fait 5. Vaccination obligatoire COVID-19 coûte que coûte. Il apparaît d'ores et déjà que la vaccination COVID-19 doit être effectuée sans faille sur l'ensemble de la population. Malgré les données actuelles disparates et ambiguës concernant l'efficacité et la sécurité des vaccins COVID-19 disponibles, les médecins n'ont en effet aucune marge de manœuvre pour exempter leurs patients de la vaccination obligatoire. Seules quelques exceptions sont prévues dans le projet de loi actuel et par le ministère de la Santé. En cas d'infraction, les médecins autrichiens s'exposent à de graves conséquences disciplinaires, pouvant aller jusqu'à la radiation de l'ordre des médecins. La même menace pèse sur les médecins qui ne veulent pas se faire vacciner eux-mêmes. Fait 6. Les dommages causés par les vaccins seront à la charge de la population. Dans les contrats avec la Commission européenne, les groupes pharmaceutiques se sont déjà assurés pour le cas où des dommages liés à la vaccination se produiraient à grande échelle et pour le cas où il y aurait des décès dus à la vaccination. En clair, cela signifie que les groupes pharmaceutiques sont certes responsables des dommages survenus, mais qui sont ensuite remboursés par les contribuables de l'UE. L'ensemble des coûts liés aux dommages causés par les vaccins est donc reporté sur la population. Si l'Autriche impose une obligation vaccinale, c'est automatiquement l'État autrichien qui sera responsable des dommages liés à la vaccination, mais à proprement parler, c'est à nouveau la population. Fait 7. Menace d'amende contre les personnes qui refusent le vaccin. Peu importe qu'on soit vacciné, non vacciné ou guéri. En fin de compte, tout le monde sera obligé de se faire vacciner sans cesse à cause de cette loi. Si on ne se fait pas vacciner, on peut être sanctionné d'une amende allant jusqu'à 3 600 €. Dans le cadre d'une procédure simplifiée, l'autorité administrative de district peut infliger une amende de 600 € tous les 3 mois. Toute personne qui refuse une vaccination de rappel paye aussi. Que se passe-t-il quand on refuse de payer une amende? Dans ce cas, selon la ministre de la Constitution, Caroline Edtschadler, l'exécuteur se présentera à la porte et encaissera l'amende. Aucune procédure ne prévoit une peine d'emprisonnement en substitution. Il s'agit donc d'un plan perfide. Des saisies et des hypothèques forcées sont à l'ordre du jour. Fait 8. La vaccination obligatoire est une infraction à la loi. L'introduction de la vaccination obligatoire constitue une infraction évidente à la loi. Vous trouverez, en dessous de l'émission, un document expliquant en détail comment cela annulerait l'état de droit. Quelle est la position de la population sur la vaccination obligatoire? Un sondage mis en ligne par le journal Kleine Zeitung le 17 décembre 2021 répond à cette question. Sur 68 400 citoyens, 91% se prononcent clairement contre toute obligation vaccinale. Ce sondage représentatif devrait pourtant faire réfléchir les responsables gouvernementaux. Chers téléspectateurs, en raison des faits mentionnés et de l'approche unilatérale notable de la politique, qui considère la vaccination et donc l'obligation vaccinale comme le seul moyen, sans exception, de lutter contre la pandémie de Covid, il y a ces appels du peuple et les nombreuses manifestations. Un appel est donc lancé aux politiques et aux médias pour qu'ils assurent un débat public. Un appel est également lancé à la justice pour qu'elle s'engage à préserver toutes les libertés et tous les droits fondamentaux garantis. Et un appel est également lancé à tous les députés du Conseil national pour qu'ils votent contre l'introduction d'une vaccination obligatoire contre le Covid-19. En outre, chaque Autrichien peut également donner son avis jusqu'au 10 janvier 2022 sur le texte de loi sur le site internet du Parlement. Chers téléspectateurs, faites usage de votre droit et mobilisez vos amis, vos connaissances et vos proches. Diffusez cette émission. En Autriche, transmettez l'émission elle-même ou le texte de l'émission sous forme d'appel à la justice, aux journalistes et aux députés du Conseil national. Sous l'émission, vous trouverez des modèles de lettres à utiliser librement. Agissez maintenant. Werden Sie jetzt aktiv.